Chapitre 17e. Ce n'est pas sans d'effroyable déchirement que Madame Fauvel s'était résignée à se soumettre aux volontés de l'impitoyable marquis de Clamerant. Désespérée, elle était allée demander secours à son fils. Raoul, en l'écoutant, avait paru transporté d'indignation, et il l'avait quitté pour courir, disait-il, arracher des excuses aux misérables qui faisaient pleurer sa mère. Mais il avait trop présumé de ses forces. Bientôt il était revenu, l'œil morne, la tête basse, les traits contractés par la rage de l'impuissance, déclarait qu'il fallait se rendre, consentir, céder. C'est alors que la pauvre femme put sonder la profondeur de l'abîme où on l'entraînait. Elle eut en ce moment comme un pressentiment des ténébreuses machinations dont elle serait la victime. Quel horrible serrement de cœur, lorsqu'il lui fallait montrer l'œuvre du faussaire, la lettre de Saint-Rémy, lorsqu'elle annonça à son mari qu'elle attendait un de ses neveux, un tout jeune homme, très riche. Et quel supplice, le soir où elle présenta Raoul à tous les siens. C'est d'ailleurs le sourire aux lèvres que le banquier accueillit ce neveu dont il n'avait jamais entendu parler, et qui lui tendit sa main loyale. « Parbleu, lui avait-il dit, quand on est jeune et riche, on doit préférer Paris à Saint-Rémy. » Au moins Raoul prit-il la tâche de se montrer digne de cet accueil cordial. Si l'éducation première, cette éducation que la famille seule peut donner, lui faisait défaut, il était impossible de s'en apercevoir. Avec un tact bien supérieur à son âge, il sut assez démêler les caractères de tous les gens qui l'entouraient pour plaire à chacun d'eux. Il n'était pas arrivé depuis 8 jours qu'il avait su capter les très bonnes grâces de M. Fauvel, qu'il s'était concilié à Abel et Lucien, et qu'il avait absolument séduit Prosper Berthomy, le caissier de la maison, qui passait alors toutes ses soirées chez son patron. Depuis que Raoul, grâce aux relations de ses cousins, se trouvait lancé dans un monde de jeunes gens riches, loin de se réformer, il menait une vie de plus en plus dissipée. Il jouait, il soupait, il se montrait aux courses, et l'argent, entre ses mains prodigues, glissait comme du sable. C'est étourdi, d'une délicatesse susceptible jusqu'au ridicule, dans les commencements, qui ne voulait de sa mère qu'un peu d'affection, ne cessait maintenant de la harceler d'incessantes demandes. Elle avait donné avec joie, d'abord sans compter, mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que sa générosité, si elle n'y mettait ordre, serait sa perte. Cette femme si riche, dont les diamants étaient cités, qui avait un des plus beaux attelages de Paris, connut de la misère ce qu'elle a de plus poignant, l'impérieuse nécessité de se refuser aux fantaisies de l'être aimée. Jamais son mari n'avait eu l'idée de compter avec elle. Dès le lendemain de son mariage, il lui avait remis la clé du secrétaire, et depuis, librement, sans contrôle, elle prenait ce qu'elle jugeait nécessaire, tant pour le train considérable de la maison que pour ses dépenses personnelles. Mais précisément parce qu'elle avait toujours été modeste dans ses goûts, au point que son mari l'en plaisantait, précisément parce qu'elle avait administré l'intérieur avec une sagesse extrême, elle ne pouvait disposer tout à coup de sommes assez fortes sans s'exposer à des questions inquiétantes. Certes, M. Fauvel, le plus généreux des millionnaires, était homme à se réjouir de voir sa femme faire quelques grosses folies. Mais les folies s'expliquent, on en retrouve des traces. Un hasard pouvait faire reconnaître au banquier l'étonnant accroissement des dépenses de la maison. Que lui répondre s'il en demandait les causes? Et Raoul, en 3 mois, avait dissipé une petite fortune. N'avait-il pas fallu l'installer, lui donner un joli intérieur de garçon? Tout lui manquait autant qu'à un naufragé. Il avait voulu un cheval, un coupé, comment les lui refuser? Puis c'était chaque jour quelque fantaisie nouvelle. Si parfois Madame Fauvel hasardait une remontrance, la physionomie de Raoul prenait aussitôt une expression désolée et ses beaux yeux s'emplissaient de larmes. « C'est vrai, répondait-il, je suis un enfant, un pauvre fou, j'abuse. J'oublie que je suis le fils de Valentine pauvre et non de la riche Madame Fauvel. » Son repentir avait des accents qui perçaient le cœur de la pauvre mère. Il avait tant souffert autrefois, si bien qu'à la fin, c'était elle qui le consolait et qui l'excusait. D'ailleurs, elle avait cru s'apercevoir, non sans effroi, qu'il était jaloux d'Abel et de Lucien, ses frères, après tout. En ces moments, pour que Raoul n'eût rien à envier à ses deux fils, elle était prête à tout. Au moins, voulut-elle avoir une compensation. Le printemps approchait, elle pria Raoul de s'établir à la campagne près de la propriété qu'elle avait à Saint-Germain. Elle s'attendait à des objections, point. Cette proposition sembla lui plaire, et peu après, il lui annonça qu'il venait de louer une bicoque au Vésinet et qu'il allait y faire porter son mobilier. « Ainsi, mère, dit-il, je serai plus près de toi. Quel bon été nous allons passer !» Elle se réjouit, surtout de ce que les dépenses de l'enfant prodigue probablement diminueraient. Et vraiment, elle était si bien à bout qu'un soir, comme il dînait en famille, elle osa, devant tout le monde, lui adresser, au bien doucement, quelques observations. Il était allé la veille aux courses, il avait parié et perdu 2000 francs. « Bon, » fit M. Favel avec l'insouciance d'un homme qui a ses coffres pleins, « maman Lagorre paiera. Les mamans ont été créées et mises au monde pour payer. » Et ne pouvant s'apercevoir de l'impression que produisaient ces simples paroles sur sa femme, devenue plus blanche que sa collerette, il ajouta « Ne t'inquiète pas, va mon garçon, quand tu auras besoin d'argent, viens me trouver, je t'en prêterai. » Que pouvait objecter Madame Favel? N'avait-elle pas annoncé, selon les volontés de Clambran, que Raoul était très riche? Pourquoi l'avait-on contrainte de mentir inutilement? Elle eut comme une rapide intuition du piège où elle était prise, mais il n'était plus temps d'y revenir. D'ailleurs, les paroles du banquier n'étaient pas tombées dans l'eau. À la fin de cette semaine, Raoul alla trouver son oncle dans son cabinet et carrément, il emprunta 10 000 francs. Informée de cette incroyable audace, Madame Favel se tordait les mains de désespoir. « Mais que fait-il, mon Dieu, de tant d'argent ? » s'écriait-elle. Depuis assez longtemps, on ne voyait plus guère Clambran à l'hôtel du banquier. Madame Favel se décida à lui écrire pour lui demander une entrevue. Quand il apprit ce qui se passait, ce qu'il ignorait absolument, déclara-t-il, le marquis parut bien autrement inquiet, bien plus irrité surtout que Madame Favel. Il y eut entre Raoul et lui une scène de la dernière violence. Mais les défiances de Madame Favel étaient éveillées. Elle observa, et il lui sembla, était-ce possible, que leur colère était simulée, et que pendant qu'ils échangeaient les paroles les plus amères et même des menaces, leurs yeux riaient. Elle n'osa rien dire, mais ce doute, pénétrant dans son esprit comme une goutte de ces poisons subtils qui désorganisent tout ce qu'ils touchent, ajouta de nouvelles douleurs, un supplice presque intolérable. Elle se disait que, tombée à la discrétion d'un tel homme, elle devait s'attendre aux pires exigences. Puis il s'efforça en vain de pénétrer son but. Lui-même, bientôt, le lui apprit. Après s'être plaint de Raoul plus amèrement que de coutume, après avoir montré à Madame Favel l'abîme creusé sous ses pieds, le marquis déclara qu'il n'apercevait qu'un moyen de prévenir une catastrophe. C'était que lui, Clambran, il épousa Madeleine. Il y avait longtemps que Madame Favel était préparée à toutes les tentatives d'une cupidité dont elle s'apercevait enfin. La déclaration inattendue de Clambran l'atteignit dans le vif de ce qu'après tant de crise elle gardait encore de sensibilité. « Et vous avez pu croire, monsieur, s'écria-t-elle indignée, que je prêterai les mains à vos odieuses combinaisons ?» D'un signe de tête, le marquis répondit « Oui ». « Quelle femme, donc, pensez-vous vous adresser ? Ah, certes, j'étais bien coupable autrefois, mais la punition à la fin passe la faute. Est-ce à vous de me faire si cruellement repentir de mon imprudence ? Tant qu'il s'est agi de moi seul, vous m'avez trouvé faible, craintive, lâche. Aujourd'hui, pour vous adresser au mien, je me révolte. » Serait-ce donc, madame, un bien grand malheur pour mademoiselle Madeleine de devenir marquise de Clambran ? Ma nièce, monsieur, a choisi librement et de son plein gré son mari. Elle aime monsieur Prosper Berthomy. Le marquis haussa dédaigneusement les épaules. « Amourette de pensionnaire, elle l'oubliera quand vous le voudrez. Je ne le veux pas. Pardon ?» reprit Clambran de cette voix basse et voilée d'un homme irrité, qui s'efforce de se contenir. « Ne perdons pas notre temps en discussions oiseuses. Toujours, jusqu'ici, vous avez commencé par protester et vous vous êtes ensuite rendu à l'excellence de mes arguments. Cette fois encore, vous me ferez la grâce de céder. »« Non, » répondit fermement Madame Favel, « non. » Il ne daigna pas relever l'interruption. « Si je tiens essentiellement à ce mariage, » poursuivit-il, « c'est qu'il doit rétablir vos affaires et les nôtres, fort compromises en ce moment. L'argent dont vous disposez ne peut suffire aux prodigalités de Raoul. Vous devez vous en être aperçu. Un moment viendra où vous n'aurez plus rien à lui donner et où il vous sera impossible de cacher à votre mari vos emprunts forcés à la caisse du ménage. Qu'arrivera-t-il ce jour-là ? » Madame Favel frissonna. Le jour dont parlait le marquis, elle l'entrevoyait dans un avenir prochain. Lui cependant continuait. « C'est alors que vous rendrez justice à ma prévoyante sagesse et à mes intentions. Mademoiselle Madeleine est riche, sa dot me permettra de combler le déficit et de vous sauver. J'aime mieux être perdu que sauvé par de tels moyens. Mais moi, je ne souffrirai pas que vous compromettiez notre sort à tous. Nous sommes associés pour une œuvre commune, madame. Ne l'oubliez pas, l'avenir de Raoul. » Elle lui jeta sur ces mots un regard si perspicace que son impudence en fut troublée. « Cessez d'insister, » fit-elle en même temps. « Mon parti est irrévocablement pris. Votre parti ? Oui, je suis résolu à tout, entendez-moi bien, pour me soustraire à vos honteuses obsessions. Or, quittez cet air ironique. J'irai, si vous m'y contraignez, me jeter aux pieds de M. Fauvel, et je lui dirai tout. Il m'aime, il saura ce que j'ai souffert, il me pardonnera. « Croyez-vous ? » demanda Clamerand d'un air railleur. « Que voulez-vous dire ? Qu'il sera impitoyable, qu'il me chassera comme une malheureuse que je suis ? Soit, je l'aurais mérité. Après les tourments affreux dont vous m'accablez, il n'en est pas dont la perspective puisse m'effrayer. » Cette résistance inconcevable dérangea à tel point les projets du marquis que, exaspéré, il cessa de se contraindre. Le masque de l'homme du monde tomba, le coquin parut, révoltant de cynisme. Sa figure prit la plus menaçante expression, sa voix devint brutale. « Ah, vraiment ? » reprit-il. « Vous êtes décidé à vous confesser à M. Fauvel, fameuse idée. Il est dommage qu'elle vous vienne un peu tard. Avouant tout, le jour où je vous ai apparu, vous aviez des chances de salut. Votre mari pouvait pardonner une faute lointaine, rachetée par 20 années d'une conduite sans reproche. Car vous avez été fidèle épouse, madame, et bonne mère. Seulement, songez-vous à ce que dira le cher homme quand vous lui apprendrez que le prétendu neveu que vous faites asseoir à sa table, qui lui emprunte de l'argent, est le fruit de vos premières amours. Si excellent que soit le caractère de M. Fauvel, je doute qu'il accepte comme bonne cette plaisanterie qui annonce, ne vous y trompez pas, une perversité effrayante, une rare audace et une duplicité supérieure. » C'était vrai, ce que disait le marquis, terriblement vrai. Pourtant, les éclairs de ses regards ne firent pas baisser les yeux de Madame Fauvel. « Peste ! » poursuivait-il, « on voit qu'il vous tient furieusement au cœur, ce cher Monsieur Berthomy. Entre l'honneur du nom que vous portez et les amours de ce digne caissier, vous n'hésitez pas. Ce vous sera, je crois, une grande consolation quand Monsieur Fauvel se séparera de vous, quand Albert et Lucien se détourneront de vous, rougissant d'être vos fils. Ce vous sera une grande douceur de pouvoir vous dire « le bon Prosper est heureux ». « Advienne que pourra, » prononça Madame Fauvel, « je ferai ce que je dois. Vous ferez ce que je veux !» s'écria Clamerand, éclatant à la fin. « Il ne sera pas dit qu'un accès de sensiblerie nous aura tous plongés dans le bourbier. La dot de votre nièce nous est indispensable, et d'ailleurs, votre Madeleine, je l'aime. » Le coup était porté. Le marquis jugea qu'il serait sage d'en attendre les faits. Grâce à son surprenant empire sur soi, il reprit son flegme habituel, et c'est avec une politesse glaciale qu'il ajouta. « À vous maintenant, madame, de peser mes raisons. Croyez-moi, consentez à un sacrifice qui sera le dernier. Songez à l'honneur de votre maison, et non aux amourettes de votre nièce. Je viendrai dans 3 jours chercher une réponse. Vous viendrez inutilement, monsieur, dès que mon mari sera rentré, il saura tout. » Si Madame Fauvel eut eu son sang-froid et le surprise sur le visage de Clamerand l'expression d'une poignante inquiétude, mais ce ne fut qu'un éclair. Il eut le geste insoucieux qui clairement signifie « comme vous voudrez ». Et il dit « je vous crois assez raisonnable pour garder notre secret ». Il s'inclina aussi cérémonieusement et sortit, tirant sur lui la porte, avec une violence trahissant la contrainte qu'il s'imposait. Clamerand avait d'ailleurs raison de craindre. L'énergie de Madame Fauvel n'était pas feinte. « Oui ! » s'écria-t-elle, enflammée de l'enthousiasme des grandes résolutions. « Oui, je vais tout dire à André. » Mais en ce moment même, et lorsqu'elle avait la certitude d'être seule, elle entendit marcher près d'elle. Brusquement, elle se retourna. Madeleine s'avançait, plus pâle et plus froide qu'une statue, les yeux pleins de larmes. « Il faut obéir à cet homme, ma tante, » murmura-t-elle. Des deux côtés du salon se trouvaient 2 petites pièces, 2 salles de jeu qui n'en étaient séparées que par 2 simples portières de tapisserie. Madeleine, sans que sa tante s'en doutât, se trouvait dans une des petites pièces quand était arrivé le marquis de Clamerand, et elle avait entendu la conversation. « Quoi ? » s'écria Madame Fauvel, épouvantée. « Tu sais tout, ma tante. Et tu veux que je te sacrifie ? Je vous demande à genoux de me permettre de vous sauver. Mais il est impossible que tu ne haïsses pas Monsieur de Clamerand. Je le hais, ma tante, et je le méprise. Il est et sera toujours pour moi le dernier et le plus lâche des hommes, et cependant je serai sa femme. » Madame Fauvel était confondue, Elle mesurait la grandeur de ce dévouement qui s'offrait à elle. « Et Prosper, pauvre enfant, reprit-elle, Prosper que tu aimes ?» Madeleine étouffa un sanglot qui montait à sa gorge et d'une voix ferme répondit « Demain, j'aurai pour toujours rompu avec M. Berthomy. »« Non !» s'écria Mme Fauvel, « non !» Il ne sera pas dit que je t'aurais laissé, toi, innocente, prendre l'accablant fardeau de mes fautes. » La noble et courageuse fille hocha tristement la tête. « Il ne sera pas dit, reprit-elle, que j'aurais laissé le déshonneur entrer dans cette maison qui est la mienne, quand je puis m'y opposer. Ne vous dois-je donc pas plus que la vie? Que serais-je sans vous, une pauvre ouvrière des fabriques de mon pays? Qui m'a recueilli, toi? N'est-ce pas mon oncle que je dois cette fortune qui tente le misérable? Abel et Lucien ne sont-ils pas mes frères? Et quand notre bonheur à tous est menacé, j'hésiterai? Non, je serai marquise de Clamerand. » Alors, entre Madame Fauvel et sa nièce, commença une lutte de générosité d'autant plus sublime, que chacune offrait sa vie à l'autre et la donnait, non dans un moment d'entraînement, mais de son plein gré et après délibération. Mais Madeleine devait triompher, enflammée qu'elle était de ce saint enthousiasme du sacrifice qui fait les martyrs. « Je n'ai à répondre de moi qu'à moi-même, » répétait-elle, comprenant bien que là était la place où elle devait frapper, « tandis que toi, chère tante, tu dois compte de toi à ton mari et à tes enfants. Songe à la douleur de mon oncle, s'il apprenait jamais la vérité, il en mourrait. » La généreuse jeune fille disait vrai. Tel avait été le fatal enchaînement des circonstances que toujours Madame Fauvel avait été arrêtée par l'apparence d'un grand devoir à remplir. Ainsi, après avoir sacrifié son mari à sa mère, elle sacrifiait maintenant son mari et ses enfants à Raoul. Madame Fauvel se défendait encore, mais elle résistait de plus en plus faiblement. « Non, disait-elle, non, je ne saurais accepter ton dévouement. Quelle sera ta vie avec cet homme ?»« Qui sait ?» fit Madeleine, affectant une espérance bien éloignée de son cœur. « Il m'aime, à ce qu'il dit, peut-être sera-t-il bon pour moi. Ah, si je savais, prendre une grosse somme, c'est de l'argent qu'il veut, cet homme, rien que de l'argent. » « Ne lui en faut-il donc pas pour Raoul? N'est-ce pas Raoul qui, par ses folies, a creusé un abîme qu'il faut combler? Si seulement je pouvais croire à la sincérité de M. de Clamerand. » C'est avec une sorte de curiosité stupéfaite que Mme Fauvel regardait sa nièce. « Quoi? Cette jeune fille, si naïve, si inexpérimentée, raisonnait son abnégation, pendant qu'elle, femme, mère de famille, n'avait jamais obéi qu'aux impulsions instinctives de son esprit et de son cœur. Que veux-tu dire? Interrogea-t-elle. « Je me demande, ma tante, si véritablement M. de Clamant pense à son neveu. A-t-il, oui ou non, l'intention formelle de lui venir en aide? Maître de Madotte ne vous abandonnera-t-il pas, toi et lui? Enfin, il est un doute affreux qui me torture. Un doute? Oui, je te le soumettrai si j'osais, si je ne craignais. Parle, insista Mme Fauvel, livre-moi ta pensée entière. Hélas, le malheur m'a donné des forces. Qu'ai-je à redouter? Je puis tout entendre. » Madeleine hésitait, partagée entre la crainte de frapper une personne aimée et le désir de l'éclairer. « Je voudrais, reprit-elle enfin, être certaine, bien sûre, que M. de Clamerand et Raoul ne s'entendent pas. Ne jouent pas chacun un rôle appris et convenu à l'avance. » La passion est aveugle et sourde. Madame Fauvel ne se souvenait plus des yeux riants de ces deux hommes. Le jour devant elle, il semblait transporté de colère. Elle ne pouvait, elle ne voulait pas croire à une si odieuse comédie. « C'est impossible, prononça-t-elle. Le marquis est vraiment indigné de la conduite de son neveu, et ce n'est pas lui qui jamais lui donnera un mauvais conseil. Quant à Raoul, il est étourdi, léger, vaniteux, prodigue, mais il a bon cœur. La prospérité l'a grisé, mais il m'aime. Ah, si tu le voyais, si tu l'entendais, quand je lui fais un reproche, tous tes soupçons s'envoleraient. Quand, les larmes aux yeux, il me jure qu'il sera plus raisonnable, il est de bonne foi. S'il ne tient pas ses promesses, c'est que des amis perfides l'entraînent. Toujours les mères s'en sont prises, s'en prennent et s'en prendront aux amis. L'ami, voilà le coupable. Mais Madeleine était trop généreuse pour chercher même à désabuser sa tante. « Fasse le ciel que tu dises vrai, murmura-t-elle, mon mariage ne sera pas inutile. Ce soir même, nous écrirons à M. de Clamerand. » « Quoi ce soir, Madeleine? Rien ne presse. Nous pouvons attendre, traîner, gagner du temps. » Ces mots, ces espérances obstinées, cette confiance en un hasard, en une chimère, en rien, disaient tout le caractère de Madame Fauvel, et expliquer ses infortunes. Tout autre était le caractère de Madeleine. Sa timidité cachait une âme virile. Décidée à un sacrifice, elle le faisait complet, absolu. Elle fermait la porte aux illusions décevantes et marchait droit en avant sans retourner la tête. « Mieux vaut en finir, chère tante, » dit-elle d'un ton ferme. « Crois-moi, la réalité du malheur est moins pénible que son attente. Résisterais-tu à ces alternatives de douleur et de joie? Sais-tu ce qu'ont fait de toi les anxiétés que tu dissimules? T'es-tu vue depuis 4 mois ?» Elle prit sa tante par la main et la conduisant devant une glace. « Tiens, » ajouta-t-elle, « regarde-toi. » Madame Fauvel n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle était arrivée à cet âge perfide où la beauté d'une femme, comme celle d'une rose pleinement épanouie, se flétrit en un jour. En 4 mois, elle avait vieilli. Le chagrin avait mis sur son front son empreinte fatale. Ses tempes, fraîches et lisses comme celles d'une jeune fille, se plissaient. Des fils blancs argentaient les masses de sa chevelure. « Comprends-tu maintenant, » poursuivait Madeleine, « pourquoi la nécessité t'est nécessaire ? Comprends-tu que tu as changé à ce point que c'est miracle que mon oncle ne s'en soit pas inquiété ?» Madame Fauvel, qui croyait avoir déployé une dissimulation supérieure, eut un geste négatif. « Eh, pauvre tante, n'ai-je pas deviné, moi, que tu avais un secret ?»« Toi ? Oui, seulement j'avais cru. »« Oh, pardonne un soupçon injuste. J'avais osé supposer... » Elle s'interrompit, toute troublée, et il lui fallut un grand effort pour ajouter. « Je m'imaginais que peut-être tu aimais un autre homme que mon oncle. » Madame Fauvel n'eût pu retenir un gémissement. Le soupçon de Madeleine, d'autres pouvaient l'avoir eu. « L'honneur est perdu, » murmura-t-elle. « Non, chère tante, non !» s'écria la jeune fille. « Rassure-toi et reprends courage. Nous serons deux pour lutter maintenant. Nous nous défendrons, nous nous sauverons. » Monsieur le marquis de Clamerand dut être content ce soir-là. Une lettre de Madame Fauvel lui annonça qu'elle consentait à tout. Elle demandait seulement un peu de temps. Madeleine, lui disait-elle, ne pouvait rompre du jour au lendemain avec M. Berthomy. Puis, on devait s'attendre à des objections de la part de M. Fauvel, lequel aimait Prosper et l'avait tacitement agréé. Une ligne de Madeleine, au bas de la lettre de sa tante, assurait son concours. Pauvre jeune fille, elle ne se ménageait pas. Le lendemain même, elle avait pris Prosper à part, et abusant de son ascendant sur lui, elle lui avait arraché cette fatale promesse de ne plus chercher à la revoir, et même de prendre sur lui la responsabilité de cette rupture. Il avait conjuré Madeleine de lui dire au moins les raisons de cet exil, qu'elle ait brisé sa vie. Elle lui avait simplement répondu que son honneur et son bonheur à elle dépendaient de son obéissance. Et il s'était éloigné, la mort dans l'âme. Presque sur ses pas, le marquis de Clamerand arrivait. Oui, il avait l'audace de venir, en personne, annoncer à Madame Fauvel que du moment qu'il avait sa parole et celle de sa nièce, il consentait à attendre. Tenant à cette heure la tante et la nièce, il était sans inquiétude. Il se disait que le moment viendrait où un déficit impossible à combler leur ferait souhaiter et presser son mariage. Or, Raoul faisait tout pour hâter ce moment. Madame Fauvel étant allée, plutôt que d'ordinaire, habiter sa propriété, Raoul, de son côté, s'était installé au Vésinet. Mais la campagne ne le rendait pas plus économe. Peu à peu, il avait dépouillé toute hypocrisie. Il ne venait plus voir sa mère que quand il avait besoin d'argent, et il en fallait souvent et beaucoup. Quant au marquis, il se tint prudemment à l'écart, guettant l'heure propice, et c'est au hasard d'une rencontre que 3 semaines plus tard, il dut être invité à dîner chez le banquier. C'était un grand dîner, il y avait bien une 20aine de convives. On venait de servir le dessert, et les conversations s'animaient, lorsque le banquier, tout à coup, se retourna vers Clamerand. « J'avais, monsieur le marquis, dit-il, un renseignement à vous demander. Avez-vous des parents portant votre nom ? Pas que je connaisse, du moins, monsieur. C'est que moi, depuis 8 jours, je connais un autre marquis de Clamerand. » Si cuirassé d'impudence que fut le marquis de Clamerand, si armé que fut son esprit contre toutes les surprises des événements, il fut un instant déconcerté et pâli. « Oh ! » balbutia-t-il, non sans un énergique effort de volonté, « un Clamerand, marquis. Le marquisat au moins, mais suspect. » M. Fauvel n'était pas fâché de trouver une occasion de taquiner un hôte dont les prétentions nobiliaires l'avaient parfois agacé. « Marquis ou non, reprit-il, le Clamerand en question me paraît en état de faire honneur au titre. Il est riche. J'ai tout lieu, du moins, de lui supposer une grande fortune. J'ai été chargé pour son compte par un de mes correspondants d'un recouvrement de 400 000 francs. » Clamerand était merveilleusement maître de soi. il avait accoutumé son visage à ne rien trahir du mouvement de son âme. Cependant, cette fois, l'aventure était si bizarre, si surprenante, elle présageait de telles menaces, que son assurance habituelle, son coup d'œil prompt lui faisait défaut. Il trouvait au banquier un ton ironique, un air singulier qui le mettait en défiance. Pour les gens qui n'étaient pas intéressés à l'observer, il restait le même. Mais Madeleine et sa tante avaient surpris ses tressaillements. Elles avaient saisi un regard rapide adressé à Raoul. « Il paraît, fit-il, que ce nouveau marquis est négociant. »« Ma foi, vous m'en demandez trop. Tout ce que je sais, c'est que les 400 000 francs devaient lui être versés par des armateurs du Havre après la vente de la cargaison d'un navire brésilien. C'est qu'alors il arrive du Brésil, je l'ignore, mais je puis, si vous le désirez, vous dire son prénom. » « Volontiers. » Le banquier se leva et alla prendre dans le salon une serviette de maroquin marquée à son chiffre. Il en sortit un carnet et se mit à parcourir en bredouillant à demi-voix les noms qui s'y trouvaient inscrits. « Attendez, » faisait-il, « attendez. Du 22... Non, c'est plus tard. Ah, nous y voici. Clamerand, Gaston. Il se nomme Gaston. » Mais Louis, cette fois, ne sourcilla pas. Il avait eu le temps de se reconnaître et de faire provision d'audace pour parer n'importe quel coup. « Gaston, » répondit-il d'un air dégagé, « j'y suis. Ce monsieur doit être le fils d'une sœur de mon père dont le mari habitait la Havane. Revenant en France, il aura pris sans façon le nom de sa mère, plus sonore que celui de son père, lequel, si j'ai bonne mémoire, s'appelait Moirot ou Boirot. » Le banquier avait replacé son carnet sur un des meubles de la salle à manger. « Boirot ou Clamerand, dit-il, je vous ferai, j'imagine, dîner avec lui avant longtemps. » Des 400 000 francs que j'étais chargé de recouvrer pour lui, il ne s'en est fait expédier que 100 et me prie de garder le reste en compte courant. C'est donc qu'il se propose de venir à Paris. Je ne serais vraiment pas fâché de faire sa connaissance. On parla d'autre chose et bientôt Clamerand parut avoir totalement oublié la communication du banquier. Il est vrai que tout en causant le plus gaiement du monde, il ne cessait d'observer Madame Fauvel et sa nièce. Elles étaient bien autrement troublées que lui, et leur trouble était visible. À tout moment, elles échangeaient, à la dérobée, les regards les plus significatifs. Évidemment, une même idée, terrible, avait traversé leur esprit. Plus que sa tante encore, Madeleine semblait émue. C'est qu'au moment où le banquier avait prononcé le nom de Gaston, elle avait vu, elle ne se trompait pas, elle avait vu Raoul reculer sa chaise et jeter un coup d'œil vers la fenêtre, comme le filou surpris qui cherche une issue pour fuir. Et Raoul, moins fortement trempé que son oncle, était depuis ce moment resté décontenancé. Lui, brillant d'ordinaire, causeur original, il était complètement éteint. Il se taisait, il étudiait l'attitude de Louis. Enfin, le dîner fini. Les convives se levèrent pour passer dans le salon, et Clamerand et Raoul manœuvrèrent de façon à rester les derniers dans la salle à manger. Ils étaient seuls, ils n'essayaient plus de cacher leur anxiété. « C'est lui, » dit Raoul, « je le crois. » Tout est perdu. Alors, filons. » Mais Clamerand, l'audacieux aventurier, n'était pas homme à jeter ainsi, avant d'y être contraint, le manche après la cognée. « Qui sait ? » murmura-t-il, pendant que la contraction de son front disait l'effort de sa pensée. « Qui sait ? Pourquoi ce misérable banquier ne nous a-t-il pas dit où trouver ce Clamerand de malheur ? » Il s'interrompit, poussant un cri de joie. Il venait d'apercevoir sur le buffet le carnet consulté par M. Fauvel. « Beille ! » dit-il à Raoul. Il saisit le carnet, il le feuilleta fiévreusement. Il trouva Gaston, marquis de Clamerand, Oloron, Basse-Pyrénées. « Sommes-nous bien plus avancés ? » fit Raoul, « maintenant que nous avançons l'adresse. » « C'est-à-dire que nous sommes peut-être sauvés. Viens, il ne faut pas qu'on remarque notre absence. Du sang-froid, morbleu, de la tenue, de la gaieté. J'ai vu le moment où ton attitude nous trahissait. Les deux femmes se doutent de quelque chose. Eh bien, après ? Il ne fait pas bon pour nous ici. Faisait-il donc meilleur à Londres ? Confiance, nous nous en tirerons, je vais dresser mes batteries. » Ils rejoignirent les autres invités, mais si leur conversation n'avait pas été entendue, leurs gestes avaient été observés. Madeleine, qui s'était avancée sur la pointe du pied, avait aperçu Clamerand consultant le carnet du banquier. Mais à quoi pouvait lui servir cette constatation des inquiétudes du marquis ? Elle n'en était plus à douter de l'infamie de cet homme, auquel elle avait promis sa main. Il l'avait bien dit à Raoul. Ni Madeleine, ni sa tante ne pouvaient se soustraire, quoi qu'il arrivât, à sa domination. Car pour l'atteindre, il fallait parler, avouer. Lorsque 2 heures plus tard, Clamerand reconduisit Raoul jusqu'au Vésinet, son plan était fait. « C'est lui, je n'en doute pas, disait-il, mais nous avons, mon beau neveu, pris l'alarme trop tôt. Merci, le banquier l'attend. Nous l'aurons peut-être demain sur le dos. Tais-toi, interrompit Clamerand. Sait-il ou ne sait-il pas que Fauvel est le mari de Valentine? Tout est là. S'il le sait, nous n'avons qu'à jouer des jambes. S'il l'ignore, rien n'est désespéré. Comment s'en assurer? En allant le lui demander, tout simplement. Raoul eut un mouvement d'admiration. C'est joli, fit-il, mais dangereux. Il serait plus périlleux encore de rester. Quant à filer sur un simple soupçon, ce serait par trop niais. Et qui ira le trouver? Moi. Oh! Fit Raoul, sur trois tons différents. Oh! Oh! L'audace de Clamerand le confondait. Mais moi? Interrogea-t-il. Toi, tu me feras le plaisir de rester ici. Au moindre danger, je t'expédie une dépêche et tu décampes. Ils étaient arrivés devant la grille de la maison de Raoul. Voilà donc qui est entendu, dit Clamerand. Tu restes ici. Mais attention, tant que durera mon absence, redeviens le meilleur des fils. Prends parti contre moi. Calomnie-moi si tu peux, mais pas de bêtises, pas de demande d'argent. Allons, adieu. Demain soir, je serai à Oloron et j'aurai vu ce Clamerand.